الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Continue l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد الإمام ابن قدام المقدسي. Une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan حفظه الله تعالى. La semaine dernière, on avait continué à parler du Coran et que le défi d'Allah subhanahu wa ta'ala au nom musulman était toujours présent jusqu'à notre époque, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défié toute personne qui ne croyait pas en lui d'apporter une sourate semblable à celle du Coran. Et l'auteur a expliqué que le défi d'Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas un défi impossible en soi, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas à la base quelque chose d'impossible ou de difficile à faire, car Allah Azza wa Jal s'adresse aux polythéistes qui connaissaient parfaitement la langue arabe, qui étaient même les plus éloquents, et Allah Azza wa Jal leur demande d'apporter une sourate semblable, c'est-à-dire en langue arabe, dont ils connaissent les secrets, dont ils connaissent les lettres, les formulations et comment chaque phrase est formulée. Mais malgré cela, ils n'ont pas réussi et ils ne réussiront pas, car la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est inimitable. Et l'auteur a aussi parlé de toutes les accusations qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été traité de poète, lorsqu'il a été traité de sorcier, etc. etc. Et Allah azza wa jal a répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais appris la poésie et qu'il ne lui appartenait pas de l'apprendre. Et Allah Azza wa Jal a même menacé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui trancher la horte si il avait l'intention de dire ou d'attribuer des paroles à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'aurait pas dites. طيب ثم قال المؤلف وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. Donc l'imam ibn Qudama al-Maqdisi a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est plutôt des versets évidents préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné, et seuls les injustes renient nos versets. Il dit subhanahu wa ta'ala, c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé. قال الشيخ الفوزان بل هو آيات بينات دلالات واضحات على أنه من عند الله جل وعلا في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه فحفظه لسهولة وتلاوته دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. Ce sont des versets clairs et évidents, c'est-à-dire qu'ils sont explicites, car ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont des versets qui sont préservés dans les poitrines de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science. Ils préservent ce Coran dans leur poitrine en l'apprenant par cœur, et le lisent et l'apprennent par cœur avec aisance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre verset, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Et nous avons facilité le Coran pour le rappel, y a-t-il des personnes qui désirent se rappeler? Donc Allah azza wa jal facilite à ceux qui sont dans le droit chemin, Allah Azza wa Jalla leur facilite l'apprentissage du Coran. Leur facilite l'apprentissage du Coran. L'apprentissage du Coran est donc facile pour celui à qui Allah Azza wa Jalla l'a facilité. Pour cela que l'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit dans un vers connu, Shakawtu ila waki'i su'a hifzi. فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. الشافعي rahimahullah, c'était plein à Waqi'a, qui était un de ses maîtres. Et a dit, je me suis plaint à Waqi'a de ma mauvaise mémoire. فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِ. Et il m'a conseillé de délaisser les désobéissances et les péchés. وَقَالَ. Et il a dit, إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ. Cette science est une lumière. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُكْتَى لِعَاصِ. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée à ceux qui lui désobéissent. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans ce sens également, وَاتَّقُوا اللَّهِ wa yu'allimukum Allah. Et craignez Allah et Allah vous enseignera. Et la piété, c'est le fait d'obéir à Allah Azza wa Jalla et de délaisser ses interdits. Ou comme d'autres savants l'ont dit, c'est le fait de se rappeler Allah. فَأَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ فَلَا يُنْسَى وَأَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ. C'est le fait de se rappeler Allah et de ne pas l'oublier, c'est le fait de lui obéir et de ne pas lui désobéir, et c'est le fait d'être reconnaissant et non ingrat. Tout ceci fait partie de la piété. ثم قال شيخ الفوزان قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بمواقع النجوم. قيل المراد بالنجوم نجوم السماء. وكانوا في الجاهلية يعتقدون فيها أنها تنزل المطر وأنها تؤثر في نزول المطر، لأن من اعتقاد الجاهلية الاستسقاء بالنجوم ونسبة المطر إلى طلوع النجوم أو غروبه. أقسم الله جل وعلا بمواقع النجوم لأن هذه النجوم ليس لها تصرف، وإنما هي من مخلوقاته سبحانه وتعالى. Et Cheikh Fawzan, Hafidahullah, explique le verset que l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi a cité, à savoir le verset de Sourate al-Waqi'a, versets 77 et 78, où Allah Azza wa Jal dit, c'est certainement un noble Coran dans un livre bien gardé. Et Cheikh Fawzan commence à expliquer les versets qui précèdent celui-ci. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit, je jure par les positions des étoiles, c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Allah Azza wa Jal a donc juré ici par les positions des étoiles. Il y a deux explications concernant les positions des étoiles. La première explication, c'est ce sont les étoiles qu'il y a dans le ciel. Et pendant la période anti-islamique, ils avaient pour croyance que les étoiles avaient une influence sur la pluie. Que les étoiles avaient une influence sur la pluie. Et qu'en fonction de l'apparition ou non des étoiles, la pluie allait arriver ou non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les positions des étoiles pour montrer que ces étoiles n'ont aucune influence sur la pluie. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il jure, il jure par ses créatures. Et c'est le seul subhanahu wa ta'ala qui a le droit de jurer par ses créatures. Quant aux créatures, elles n'ont droit de jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man kana halifan fal yahlif billah ou liyasmut » que celui qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, man halafa bi ghayrillahi faqad ashrak. Celui qui a juré par autre qu'Allah a alors fait du polythéisme. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il a le droit de jurer par ses créatures. Et lorsqu'il jure par une de ses créatures, cela montre l'importance de celle-ci. Et en montrant que c'est une créature, Allah Azza wa Jal répond aux polythéistes en leur disant, ce que vous considérez comme des divinités ne sont en réalité que des créatures. Et elles n'ont aucune influence sur la présence de pluie ou non. Car celui qui dirige et gouverne cet univers, celui qui fait descendre l'eau des nuages, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, « A'antum anzaltumuhu min al-muzni, am nahnu Al-Munziloun. Est-ce vous qui faites tomber l'eau des nuages, ou bien est-ce nous? Si ce n'est pas toi, alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وقيل المراد بمواقع النجوم نجوم القرآن لأن القرآن نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث من حيث بعثته إلى أن توفاه الله والقرآن ينزل عليه مجزأ حسب الوقائع والحوادث خلال 23 سنة هذا وقت نزول القرآن ومنه المكي ومنه المدني وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وهذا من جملة اعتراضاتهم السخيفة ليس المهم في نزول القرآن جملة واحدة أو مفرقة وإنما المهم أنكم تتبعون القرآن لكن هذا من اعتراضاتهم السخيفة كذلك لنثبت فيه فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. La deuxième explication des positions des étoiles, c'est-à-dire des étoiles du Coran. Car le Coran est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon séparée et interrompue en fonction des situations et des cas dans lequel se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi est descendu le Coran depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait fait mourir. Le Coran est donc descendu par interruption, de façon non pas en une seule fois, mais de façon répétée. Et ceci pendant les 23 années de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et les polythéistes ont, parmi les choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord, ont dit, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Furqan, Sourate le discernement verset 32, et ceux qui ont mécru ont dit, si seulement le Coran avait été révélé en une seule fois. Si seulement le Coran avait été révélé en une seule fois. Autrement dit, parmi les arguments qu'ils ont soi-disant trouvés pour prouver que le prophète a menti et que le Coran n'est que son invention, ils ont dit pourquoi le Coran n'est-il pas descendu en une seule fois? Si c'est la parole d'Allah, pourquoi il n'est pas descendu en une seule fois? Il voulait dire par là que le prophète sallam, c'était lui qui écrivait le Coran et qu'il ne pouvait pas l'écrire en une seule fois, mais qu'il l'écrivait en fonction des circonstances et des situations. Et Cheikh Fawzan dit, mais l'important n'est pas que le Coran est descendu en une seule fois ou de façon séparée, l'important c'est que vous suiviez le Coran. Et ceci est donc un prétexte faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. Ils ne t'apporteront aucune parabole, c'est-à-dire aucune image, aucune métaphore, sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Donc Allah azza wa jal a révélé le Coran de façon séparée pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam en fonction des situations. Lorsque par exemple les mouchriquins l'ont questionné, qui est ton seigneur, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et c'est dans ce contexte, dans cette circonstance, que soit Al-Ikhlas a été révélé. Et ainsi de suite, en fonction des situations dans lesquelles se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation venait pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un des versets qui a le plus raffermi le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verset qui a été révélé dans l'histoire de Qissat al-Ifk. L'histoire de la calomnie, ceux qui ont calomnié sur Aïcha radiallahu anha, Qu'est-ce que le professeur Assem attendait? Il attendait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre un terme à cette calomnie. هذه هي الحكمة في تنزيل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما لأن هذا أسهل على الأمة فلو نزلت التكاليف والأوامر والنواهي جملة واحدة لشق ذلك على الأمة فالله جل وعلا نزل هذا الشرع شيئا فشيئا لأن هذا أرفق بالأمة. Également, parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il ait révélé le Coran au professeur sallam de façon séparée, c'est que cela est aussi une miséricorde pour la communauté. Car si le Coran avait été révélé en une seule fois, avec tout ce qu'il comporte comme obligation et interdiction, cela aurait été difficile pour la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, a fait révéler le Coran petit à petit. C'est ainsi, par exemple, que l'alcool qui était aimé chez les Arabes a été interdit de façon progressive. Tout d'abord, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Avant cela. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Et il te questionne sur les jeux de hasard et sur l'alcool. Dit, il y a en eux un bien et un mal, mais leur mal est plus grand que leur bien. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé le verset, ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salat la taqrabu as-salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière en état d'ébriété jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé le troisième verset, إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Et c'est là où Azza wa Jalla a dit, en parlant de l'alcool et d'autres choses, qu'il avait ordonné de s'en abstenir. D'accord ? Donc tout ceci est venu de façon progressive et ceci est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers sa communauté. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام تنزيل من رب العالمين أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا لا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد وإنما هو منزل من الله جل وعلا. C'est donc certainement un Coran noble dans un livre bien gardé. Et ce livre bien gardé, ce sont les planches préservées. Allahu al-mahfoud. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ne le touche que les purifiés. Et c'est là où il y a une divergence des savants, à savoir, est-ce que ne le touche, est-ce que cela revient au Coran ou est-ce que cela revient à Allahu al-mahfoud. Et l'avis qu'a choisi Cheikh al-Fawzan, et concernant les purifiés, est-ce les anges ou bien est-ce les êtres humains qui sont en état de pureté? Et donc certains savants ont utilisé ce verset pour dire qu'il est interdit de toucher le Coran si tu n'as pas tes ablutions. Et d'autres savants ont dit non, cela est déconseillé mais autorisé, car Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parlait des purifiés, parlait des anges. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Fawzan. Et c'est un livre révélé de la part d'Allah, le Seigneur des mondes. Ce n'est donc ni une révélation des planches préservées, ni une révélation de Jibril, ni une révélation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est bel et bien la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala kaf ha ya ayn sad wa qala ta'ala ha mim ayn sin qaf wa iftatahat 29 surah bil huruf al muqatta'a. Puis l'imam ibn Qudam al-Maqdisi dit, Allah Azza wa Jal a dit Kaf ha ya ayn sad dans surat Maryam, le premier verset. Il dit aussi dans surat Shura, les versets 1 et 2, Ha mim ayn sin qaf. Allah Azza wa Jal a ainsi ouvert ou a commencé ainsi 29 sourates par ces lettres entrecoupées. Bil hurufi al-muqatta'a. قال الشيخ الفوزان القرآن جاءت فيه حروف مقطعة في أوائل السورة في أوائل السور مثل ألف لام ميم ومثل ألف لام راء ومثل ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء ومثل طه ياسين صاد قاف نون حاميم عين سين قاف تارة تكون هذه الحروف التي افتتح الله بها السور حرفا واحدا وتارة تكون حرفين وتارة تكون ثلاثة حروف وأكثر. Donc le Coran a été révélé en comportant des lettres qui sont coupées, c'est-à-dire qui sont liées les unes à la suite des autres, mais qui doivent être lues chacune de façon séparée. Et Allah Azzawajal a cité ces lettres dans le début de certaines sourates, qui sont au nombre de 29, comme l'a dit le Qudam al-Maqdisi. Certaines commencent par Alif Lam Mim, d'autres par Alif Lam Ra, d'autres par Alif Lam Mim Sad, d'autres par Alif Lam Mim Ra, et d'autres par Taha, Yasin, Sad, Qaf, Nun, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Donc, de temps en temps, Allah Azzawajal commence par des lettres, certaines fois par une lettre, d'autres fois par deux lettres, et d'autres fois par trois, voire plus que trois lettres. Comme par exemple Sad, Allah Azza wa Jalla a commencé par une lettre. Taha, deux lettres. Yassine, deux lettres. Alif Lam Mim Sad, quatre. Alif Lam Mim, trois. Kaf Ha Ya Ain Sad, plus que 3. وهي من القرآن بلا شك لأن قرآن هي قرآن من كلام الله جل وعلا فكلام الله يتكون من حروف ومن كلمات وآيات لأنه بلسان عربي وباللغة العربية والعربية تتكون من ذلك ومع هذا أعجز الفصحاء أن يأتوا بمثله مع أنه من هذه الحروف التي يتكلمون بها ويتخاطبون بها وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان ومع هذا عجزوا على أن يأتوا بسورة مثل القرآن مع أنهم الخطباء الذين يتكلم الخطيب منهم ويجزل الكلام ويطيل الكلام في الخطب فإذا كانوا قد عجزوا على أن يأتوا بسورة قصيرة مثل القرآن فهذا دليل على أن القرآن ليس من كلام البشر ولا هو من كلام الملائكة ولا من كلام الخلق وإنما هو من كلام الخالق سبحانه وتعالى. Et Cheikh Fawzan dit, et ces lettres font partie du Coran sans aucun doute, car le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah azza wa jal, comme on l'a vu à plusieurs reprises, est composée de lettres, de mots et de phrases, et ceci en langue arabe. Et Cheikh Fawzan dit, une langue arabe que maîtriser, comme on l'a vu précédemment, les polythéistes de la Mecque, mais malgré cette maîtrise parfaite du corps de la langue arabe, ils ont été incapables d'apporter une sourate similaire à celle du Coran. Ceci prouve donc que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. والحروف المقطعة من العلماء من يقول الله أعلم بمراده بها بمراده بها فلا يتكلمون فيها ومنهم من يقول إن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إشارة إلى الإعجاز أي أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف وأنتم عجزتم أن تأتوا بأقصر سورة من سور القرآن قالوا ولذلك في الغالب أن الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فأشار إلى القرآن الكريم وأنه لا ريب فيه هدى للمتقين ومثل صاد والقرآن ذي الذكر ومثل قاف والقرآن المجيد حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إلى غير ذلك فغالبا ما يأتي ذكر الكتاب وذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز. هذا الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. Et concernant ces lettres séparées, certains savants disent Allahu A'lam. Certains savants disent Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant concernant le sens de ces lettres. Nous ne connaissons pas leur signification et pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé certaines sourates par des lettres séparées de la sorte. Et ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne parlent pas à ce sujet. Et d'autres ont dit que ces lettres sont un moyen ou montre le caractère sacré et le fait que le Coran est un miracle. C'est-à-dire que le Coran est composé de lettres, et vous, les Arabes éloquents, vous n'êtes pas capables d'apporter une sourate similaire. Ce Coran est composé de lettres, et vous, les Arabes qui maîtrisez le mieux cette langue, vous n'êtes pas capables d'apporter une sourate similaire. Et ils disent, et c'est pour cela que la plupart du temps, lorsqu'Allah Azzawajal cite ses lettres, il fait suivre ses lettres en parlant du Coran, pour montrer que ce Coran est un miracle et qu'il est inimitable. Comme Allah Azzawajal a dit en Sourate Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalik Al-Kitab La Rayba Fi. Alif Lam Mim, voici le livre dont il n'y a aucun doute. Alors Azzawajal, après avoir dit Alif Lam Mim, a cité le Coran et que c'était un Coran qui ne comportait aucun doute et que c'était une guidée pour les personnes pieuses. Lorsque Allah Azzawajal a dit dans Sourate Sad, Sad, wal Qur'an idhikr, Sad est le Coran doté de rappel. Qaf, wal Qur'an al-Majid, Qaf et le Coran majestueux. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Ainsi, nous l'avons révélé à toi, et ainsi l'a révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé, Allah, le puissant et le sage. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Yusuf, dans les premiers versets, Alif Lam Ra, voici des versets, voici les signes d'un livre manifeste. Nous avons descendu ou révélé le Coran en langue arabe. Donc la plupart du temps, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite ses lettres, il les fait suivre en parlant du Coran. Ceci pour montrer que le Coran est un miracle. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres parmi les savants. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. الإمام ابن قدامة المقدسي a dit, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui lit le Coran en le maîtrisant, il aura alors pour chaque lettre 10 hasanat. Quant à celui qui le lit et fait des erreurs, alors il aura pour chaque lettre une hasana. Et c'est un hadith que l'imam Qudama al-Maqdisi a cité et qu'il a attribué à At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, mais c'est un hadith qui n'est pas présent dans les sunan de Tirmidhi. Il y a un hadith qui a le même sens, ou qui est similaire, qui est un hadith que l'on avait déjà vu précédemment, où le professeur a dit « Al-Mahiru bil-Qur'an ma'as-safarati al-kiram al-barara والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Que celui qui lit le Coran en excellant dans sa lecture sera avec les anges. Quant à celui qui lit le Coran en hésitant et en ayant du mal à le lire, alors il aura deux récompenses, la récompense de la lecture et la récompense de l'effort. قال الشيخ الفوزان من قرأ القرآن فأعربه أعربه يعني أقامه على الوجه العربي من غير لحن فيه فهذا متقن للقرآن ودليل على عنايته فله بكل حرف 10 حسنات لأن الحسنة بعشر أمثالها فهذا فيه دليل على فضل إتقان قراءة القرآن والسلامة من اللحن فيه وأما من قرأه ولم يعربه بأن كان لا يحسن العربية فقد يرفع المنصوب وينصب المخفوض فهذا له أجر على قدر استطاعته وتكلفه وخطأه مغفور لأن هذا منتهى جهده وطاقته. Donc celui qui lit le Coran en excellent, c'est-à-dire qui le lit comme il se doit en langue arabe, sans se tromper, sans faire des erreurs grammaticales, il est considéré comme lisant le Coran comme il se doit. Il aura donc pour chaque lettre 10 hasanat, car la bonne action est multipliée par 10. Et ceci montre le mérite de ceux qui lisent correctement le Coran sans se tromper. Quant à celui qui le lit en se trompant, car il ne maîtrise pas bien la langue arabe, en mettant une dhamma à la place d'une fatha ou une fatha à la place d'une kasra, il aura alors une récompense selon sa capacité et selon sa possibilité. Quant à ses erreurs, elles seront pardonnées. Les erreurs qu'il pourrait faire durant sa lecture sont pardonnées car il a lu comme il le pouvait. وقد جاء في الحديث الآخر الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فدل على أن مطلوب تلاوة القرآن حسب استطاعة المسلم، فإن كان يستطيع أن يتعلم وأن يعدل القراءة وجب عليه ذلك ولا يبقى جاهلا بالقراءة، وإن كان لا يستطيع أن يعدل فإنه يقرأ على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يترك تلاوة القرآن وقراءة القرآن، بل يحاول حسب استطاعته. Donc il est demandé aux musulmans de lire le Coran selon ses possibilités. S'il a la possibilité d'apprendre et de lire correctement, alors ceci est une obligation pour lui. Il ne doit pas rester ignorant de la lecture du Coran s'il a la possibilité et la capacité de l'apprendre. Quant à celui qui n'a pas la possibilité d'apprendre la lecture du Coran, alors il doit lire selon sa capacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à une âme quelque chose au-dessus de sa capacité. Et s'il n'a pas la possibilité d'apprendre, il ne doit pas délaisser la lecture du Coran. Bien au contraire, il doit lire comme il le peut. Et comme on l'a vu précédemment, ses erreurs seront pardonnées. هذا من ناحية والناحية التي ساق المصنف الحديث من أجلها هي أن قارئ القرآن ليس له إلا التلاوة والقراءة. أما المقروء فهو كلام الله والقراءة هي عمل القارئ ولذلك يتلوه بصوت حسن وبصوت غير حسن فاختلاف القراءة بألسنة الناس دليل على أن القراءة من عمل الناس وأما المقروء والمتلو فهو كلام الله ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري فالتلاوة عمل الإنسان والمتلو هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يحسنه ويتقنه ومنهم من دون ذلك. Ceci d'une part, et d'autre part, l'auteur Cheikh Fawzan dit que l'auteur a cité ce hadith pour montrer que le fait que les lectures divergent et qu'il y a des bonnes lectures et des mauvaises ne remet pas en cause le Coran. Le Coran reste parfait et il reste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est lu de façon bonne ou de façon mauvaise. Il y a la lecture qui est l'acte de lire, et il y a ce qui est lu qui est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une personne qui lit, il lit la parole d'Allah. Il lit la parole d'Allah. Que sa lecture soit bonne ou que sa lecture soit mauvaise, la parole qu'il lit reste celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال صلى الله وقال عليه السلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. حديث أخرجه أحمد وأبو داود. ذكر هذا الحديث بعد الحديث الذي فيه فضل من قرأ القرآن فأعربه وأقامه على الوجه اللغوي الصحيح الذي نزل به فله عشر حسنات بكل حرف. لكن في هذا الحديث يبين أنه ليس المقصود مجرد التلاوة، إنما المقصود التلاوة لأجل العمل بالقرآن، فالتلاوة وسيلة والغاية هي العمل بالقرآن الكريم. فلا تحسبن هذا الأجر للتالي على مجرد التلاوة فقط وإن لم يعمل بالقرآن، بل هذا الأجر لمن يتلو القرآن ويعمل به. ولهذا يقول جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إيه اليوم قدام المقدسي يدي البروفيسور صلى الله عليه وسلم قال lisez le Coran avant que ne vienne un peuple qui ajusteront ces lettres comme l'on ajuste une flèche. Il ne dépassera pas leur gorge. Il précipite sa récompense et ne le retarde pas. Cheikh Fawzan dit, l'imam de Qudam al-Maqdisi a cité ce hadith après avoir cité le hadith dans lequel il y a le mérite de ceux qui lisent le Coran de façon parfaite, en totale concordance avec les règles de la langue arabe. Il aura alors 10 hasanat pour chaque lettre lue. Mais dans ce second hadith, il montre que le but n'est pas la lecture en elle-même, mais le but de la lecture, c'est de mettre en pratique le Coran. La lecture est donc un moyen, mais le but est l'application de ce que tu lis. Et Cheikh Fawzan dit, il ne faut donc pas croire que la récompense qui est donnée au lecteur lui est donnée pour sa lecture uniquement, même s'il ne met pas en pratique le Coran. Bien au contraire, cette récompense est donnée à celui qui lit le Coran et qui le met en pratique. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Fatir, les versets 29 et 30, « Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est subhanahu wa ta'ala pardonneur et reconnaissant. » لم يقتصر على قوله يتلون كتاب الله بل قال وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فلا بد مع القراءة من العمل بالقرآن. الله عز وجل ne s'est pas contenté dans ce verset de dire ceux qui lisent le Coran, mais il a dit ceux qui lisent le Coran accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons accordé. Il faut donc obligatoirement que la lecture soit accompagnée de la mise en pratique. أما مجرد التلاوة للرياء أو للسمعة أو للمدح فهذا لا ينفع صاحبه شيئا أو قراءة القرآن للتأكل به كما يفعل بعض المنتفعين من تأجير أنفسهم للتلاوة في المآتم والحفلات ولا لهم حرفة إلا حرفة التلاوة وهم من أبعد الناس عن العمل بالقرآن بل بعضهم قد لا يصلي فهو حسن التلاوة وحسن الصوت لكن لا يعمل بالقرآن ولا يصلي وإنما اتخذ تلاوة القرآن حرفة يتأكل بها وهذا عليه الوعيد الشديد بأنه من الذين لا يتجاوز القرآن تراقيهم يعني لا يصل إلى قلوبهم يتلونه بألسنتهم لغرض من الأغراض ولا يصل إلى قلوبهم والعياذ بالله في فوزان دي حفظه الله quant au fait de lire le Coran par ostentation ou pour avoir une réputation ou pour que l'on fasse ses éloges ceci c'est-à-dire cette lecture n'est en rien profitable à celui qui lit ou bien celui qui lit le Coran et utilise cette lecture comme un moyen de subvenir à ses besoins comme le font certaines personnes qui louent leur personne, leur propre personne à la lecture du Coran dans des lorsque quelqu'un décède ou lorsqu'il y a des fêtes ou des réunions ou des assemblées et ils n'ont de métier que le métier de la lecture alors qu'ils font partie des personnes qui sont les plus éloignées de la mise en pratique du Coran. Certains parmi eux-mêmes ne prient pas. Il a une très belle lecture, une très belle voix, mais ne met pas en pratique le Coran et ne prie pas. Et a pris la lecture du Coran comme un métier avec lequel il subvient à ses besoins. Donc ici, Cheikh Fawzan parle bien de la lecture du Coran. Et on avait vu ce sujet dans le Wajiz, à savoir qu'il faut différencier entre eux l'enseignement du Coran et la lecture du Coran. Le fait d'enseigner le Coran et de se mettre à disposition et de se sacrifier pour l'apprentissage et pour l'enseignement du Coran, cela n'entre pas dans ce hadith. Autrement dit, celui qui ne travaille pas. Et que la communauté musulmane a besoin de personnes qui enseignent le Coran aux autres. D'accord ? Et cela demande du temps. Et celui qui va se consacrer à l'apprentissage du Coran et à l'enseignement du Coran va le consacrer toute la journée. Cela va donc l'empêcher de travailler et de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Dans ce cas, il a le droit de percevoir un salaire sur cet apprentissage. Quant à celui qui perçoit une récompense ou un salaire sur le simple fait de lire. Sur le simple fait de lire, là, c'est une interdiction et n'a pas le droit de percevoir cet argent et il est interdit également aux gens de leur donner de l'argent. Il était interdit de le percevoir et il est interdit aux gens de leur donner car ils aident un mal. Ils aident dans un mal. Et celui qui lit en prenant la lecture comme un métier et subvient à ses besoins à travers ce métier n'aura aucune récompense, ni dans cette vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. Bien au contraire, il aura des péchés et des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala et il est sous la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le hadith que le Coran ne traversera pas leur gorge, c'est-à-dire qu'il n'atteindra pas leur cœur, c'est-à-dire qu'ils liront le Coran, mais le Coran ne leur sera pas profitable, car ils le lisent pour un but bien précis de cette vie d'ici-bas, il n'atteindra donc pas leur cœur, wal'iyadu billah. Wa aydan ba'du an-nas yatlu القرآن ويتقن التلاوة ويقيمه إقامة السهم وهو يتقن القراءة جدا ولكن لا يفهم المعنى ولا يتفقه في كتاب الله ولا يهتم بالتفسير حتى يعمل به وإنما يؤدي اللفظ فقط وهو لا يعرف المعاني أو يستدل بالقرآن على غير وجهه الصحيح كما تفعل الخوارج فالخوارج من أكثر الناس تلاوة للقرآن ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لأنهم لا يتفقهون في القرآن ولا يتعلمون معاني القرآن على الوجه المطلوب فالقرآن لا يتجاوز حناجرهم لأنهم لا يفقهونه ولا يعلمونه فلا بد من أمور أولا التلاوة والعناية بها ثانيا معرفة المعاني والتفسير ومراد الله جل وعلا بكلامه وثالثا وهو الغاية العمل بالقرآن. Également d'autres gens, d'autres personnes lisent extrêmement bien le Coran et sont très précis dans leur lecture et dans leur façon de lire comme ou ajustent leur lecture comme on ajuste une flèche dans son arc. Il lit donc extrêmement bien le Coran, mais n'en comprend pas l'essence, et n'essaye pas de comprendre le livre d'Allah, et ne donne pas d'importance aux exégèses du Coran afin de le mettre en pratique. Mais il lit des mots seulement, sans en comprendre l'essence, ou voire utilise certains versets comme preuve dans des cas qui ne concernent pas ces versets. Certains comprennent même les versets d'une compréhension erronée et utilisent ces versets dont qu'ils ont compris faussement pour en guise de preuve dans certains cas. Comme le font Al-Khawarij, car Al-Khawarij sont parmi les gens ceux qui lisent le plus le Coran. Mais comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sortent de la religion comme sort la flèche de son arc, car ils n'apprennent pas et ne comprennent pas le Coran. Ils n'apprennent pas l'essence du Coran comme cela est demandé. Le Coran ne traverse donc pas leur gorge. Il y a donc trois choses à faire vis-à-vis du Coran. Le lire et être assidu dans cela. Deuxièmement, d'en connaître l'essence et l'exégèse et le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à sa parole. Et troisièmement, et c'est le but, al-amal bil Qur'an, c'est la mise en pratique du Coran. Amma at-tilawa wa fahm al-ma'na fa hadhihi wasa'il. Quant à la lecture et à la compréhension du sens, tout ceci sont des moyens qui vont t'emmener au but qui est la mise en pratique. لكن الغاية والمطلوب هو العمل بالقرآن الكريم على ما أراده الله واعتقاد ما فيه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.